Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile Obscur sur l'antenne du 94 MHz ou en streaming sur internet. J'ai l'impression que ma voix est très forte ce soir, mais bon, je vais remédier à ce problème. Voilà donc l'Asile Obscur sur l'antenne du 94 MHz le lundi à partir de 21h30 et des brouettes jusqu'à 23h et quelques, ou encore à partir de son blog asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/redman. Et les émissions l'Asile Obscur se suivent et se ressemblent quelque peu, avec des disparitions quasiment chaque semaine. Dimanche matin, nous avons appris la disparition de Tony Conrad, le compositeur minimaliste et surtout artiste plasticien proche du mouvement Fluxus, vidéaste de son état. Il avait fait des films clignotants tels que The Flicker. Il était assez proche de Jonas Mekas et il enseignait à l'université de Buffalo dans l'état de New York. Il est disparu à 76 ans. Je crois qu'il prenait sa retraite au mois de mai. Et Tony Conrad, on a commencé à le connaître surtout à partir des années 70. Et peu de traces discographiques, en tout cas en ce qui concerne la musique, ce qui était plutôt une activité secondaire pour ce monsieur. En tout cas, il avait fait partie du théâtre de la musique éternelle, le fameux groupe de la Monteyong et Marianne Zazila, qui avait inventé un peu la musique minimale répétitive et le bourdon continu, et ce aux côtés de John Kell. Donc c'est tout naturellement que ces deux-là se sont retrouvés à enregistrer aux côtés de Lou Reed vers 1964 dans la pré-formation du Velvet sous le nom de The Primitives. Et je vous propose de démarrer avec ce groupe et le fameux 45 tours Do The Ostrich, les guitares et toutes les cordes accordées en ré majeur. Donc John Kell, Tony Conrad, le plasticien Walter de Maria était à la batterie, évidemment Lou Reed avec sa voix assez inimitable, et apparemment Do The Ostrich ou The Ostrich, c'était encore une sombre histoire de seringue. Voilà donc un peu les prémices du premier album du Velvet Underground avec cette formation originelle, et donc un 45 tours de 1964. Le son est très très cheap. On écoute ce Do The Ostrich par The Primitives avec donc à l'époque Tony Conrad. Okay, I want everybody to settle down now. We got some news on the show, man. So I'll knock you dead when we Voilà donc une petite triplette pour démarrer l'asile de cette semaine. On a commencé avec le fameux tube des Primitives, le groupe avec un seul single, donc la face A The Ostrich et en face B Sneaky Pete. Donc un genre de morceau assez rare du pré-Velvet Underground dans son incarnation. Messieurs Lou Reed et John Cale étaient en compagnie de Tony Conrad et de Walter de Maria. Il s'en était suivi aussi une série de concerts. Ça n'avait pas dû aller très très loin, cette version du pré-Velvet sous le nom de The Primitives, vu le caractère de Monsieur Reed notamment. Quant à Tony Conrad, qui nous a quitté le week-end dernier, il s'est un peu replié sur sa pratique artistique d'origine, en disant d'ailleurs que la musique était quelque chose d'assez difficile. Alors peut-être un peu aussi à cause des caractères des gens avec lesquels il a pu jouer. Je pense notamment à la Monte Young, qui garde toujours assez jalousement les bandes dont il répète qu'il est l'auteur, de son fameux Dream Theater. Et donc la musique de Tony Conrad de cette époque est malheureusement totalement inédite. C'est plutôt vers les années 70, et notamment le fameux disque en compagnie de Faust qu'on a commencé à le connaître, le disque de 1973 qui était sorti sur la petite subdivision de Virgin Records. Et donc Tony Conrad, qui nous a quitté à 76 ans, il avait surtout fait des films expérimentaux et puis pas mal de musique quand même à partir des années 90. Il avait été redécouvert notamment par les gens du post-rock, je pense notamment à monsieur Jim O'Rourke et au label Table of the Elements, qui s'était fendu d'anthologie autour de la musique de Tony Conrad, avec souvent des archives avec un son assez épouvantable, je dois dire. Et ces dernières années, on l'avait entendu notamment aux côtés de monsieur Genesis P.O. Ridge, de Throbbing Gristle par exemple, ou encore on avait pu le voir à Nantes au lieu unique en compagnie de Charlemagne Palestine. On en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. Et juste pour vous signaler aussi, puisqu'on parlait du Velvet Underground, que se tient à la Philharmonie de Paris une exposition à ne pas manquer si vous intéressez à ce groupe assez mythique, une exposition qui a commencé à la fin du mois de mars et qui est prolongée jusqu'à la fin de l'été, avec apparemment pas mal d'archives vidéo inédites. Tout ça à voir à Paris jusqu'à la mi-août à la Philharmonie de Paris. On a enchaîné le combo The Primitives et ce 45 tours de 1964 avec un album assez brillantissime, je dois dire, du guitariste et chanteur qui fait du garage, de la vente garage, Dan Melchior, et son nouvel opus sous le titre Plays Graze. Ça sort sur un label new-yorkais également d'ailleurs, Ever Never Records, et c'est un album vraiment brillantissime de bout en bout. Là c'est un morceau plutôt assez speed, il y a beaucoup d'expérimentation pour ce guitariste originaire d'Angleterre et qui vit à New York et qui a fait partie de pas mal de groupes, The Lloyd Pack notamment, et pas mal de combos sous son nom, notamment Dan Melchior und das Menas ou encore le Broke Review. Vous en avez passé d'ailleurs de sa musique l'an dernier avec un disque, je ne sais plus lequel. Alors, il produit à peu près 6 albums par an, ce monsieur, et celui-ci m'a vraiment tapé dans l'oreille, Plays the Graze. On va en écouter un nouvel extrait, juste le temps de vous présenter aussi le troisième combo qu'on écoutait, combo plutôt dans le post-rock un peu mat, sous le nom de Shaman Schomer, qui est une nouvelle production de l'excellent label Bicoc Music, un groupe de Lille apparemment, trio assez classique de mat jazz noise. Là il s'agissait du titre peut-être le plus court de ce combo, qui a plutôt coutume de faire des morceaux qui durent à peu près 10-12 minutes. Et Bicoc Music est très très actif en ce moment, on vous en parle assez régulièrement d'ailleurs. Ils ont sorti quantité de choses, notamment de groupes Il y a par exemple un nouvel album de Maxime Petit, un disque de Jean-Luc Guyonnet également, ou encore de Yann Gourdon de France. Voilà, donc tout ça qui est réuni d'ailleurs dans un coffret avec fanzine, triple CD. Ils ont sorti aussi le nouvel album de Helvet Rum en compagnie de Quax Records. Sinon, ils s'associent assez souvent aussi aux Lillois de Circum Disc ou encore de Atypique. Donc toujours un mélange entre rock assez free et expérimentation jazz contemporain pour l'excellent label Bicoc dont on vous parle assez souvent dans l'Asile le plus sûr. On va continuer donc avec un nouvel extrait de Dan Melchior sans sa menace en solo. Alors l'album, comme je vous disais, est vraiment excellent de bout en bout. J'ai un peu galéré pour sélectionner deux pièces tellement il est bon du début à la fin ce disque, une sorte de mélange de blues assez barré avec aussi un peu des spoken words et du field recordings à gogo. Ça fait pas mal penser au Captain Beefheart, peut-être pour le côté blues déjanté. On écoute le Walking Grays par Dan Melchior. Thank you. Séquence toute bercée par l'Americana dans l'Asie de l'obscur sur antenne du 94 MHz qui a démarré avec le tout nouvel opus de Dan Melchior, Plays Grace. Là, c'était la version un peu plus blues. Il y a des titres un peu plus enlevés et beaucoup de collages sonores. L'album est très réussi. Il est sorti sur Ever Never Records. Et bon, on vous apportera peut-être d'autres extraits prochainement. Et c'était enchaîné avec le tout nouvel opus de Monsieur Glenn Jones qui s'intitule Fleeting. Et il est sorti sur Thrill Jockey, comme de juste, le label de Chicago qui illustre régulièrement la musique de cet ex-guitariste du groupe post-rock Cul-de-sac, qui fait cavalier seul depuis quelques années, un peu dans le registre de la guitare primitive américaine façon John Fahey ou Robbie Bachot. Il y a d'ailleurs un titre qui est dédié à Monsieur Bachot sur ce Fleeting, un album qui est un peu en demi-teinte, un peu mélancolique. Il faut dire que le monsieur vient de perdre sa mère et donc l'album a été enregistré dans un drôle de contexte un peu personnel entre la disparition de sa mère et la naissance d'un enfant. Donc les titres alternent entre des choses un peu tristoun, un peu moins chatoyante que d'ordinaire pour Glenn Jones, et puis des titres dédiés à sa fille qui vient de naître, Cléo, et donc avec des morceaux un peu plus guirés, un peu plus enlevés, voilà pour le Fleeting, et comme toujours un jeu de guitare en open tuning, et ça alterne aussi avec des morceaux de banjo, le banjo étant plutôt réservé d'ailleurs au titre dédié à sa fille Cléo. Voilà un très bel album de Glenn Jones, comme toujours. Toujours des disques de haute volée pour le guitariste américain. Celui-ci ne départ pas à sa discographie. Il a été enregistré à Mount Holly dans le New Jersey. Voilà, on va continuer avec un groupe français cette fois-ci et un tout nouveau projet sous le nom de April Fishes, et c'est un projet à l'initiative du guitariste de Sidonie Box, Manuel Adno, qui a réuni un quartet de musiciens plutôt dans le rock et jazz contemporain en la personne de Romain Dugelet qu'on connaît comme saxophoniste baryton notamment au sein de Polymorphie et autres Kuma. Il y a aussi le violoncelliste Adrien Denefeld que je ne connaissais pas et qui fait partie de deux formations, Osna et We Are All Americans, et Sylvain Darifourc qui joue dans pas mal de projets qui accompagne notamment à la batterie les projets d'Émile Parisien, voilà, et on le retrouve aussi d'ailleurs souvent sur le label Bicoque dans différents projets de jazz contemporain, Sylvain Darifourc, et c'est un projet qui a été lancé par le guitariste nantais et ça a donné lieu à une résidence au Panonica, et le disque vient tout juste de sortir sur le Grolectif de Lyon sous le titre Carpe d'or. Et puis comme c'est un peu la saison et pour être un peu dans le contexte, le titre de April Fishes Offshore, c'est le morceau qui démarre ce nouvel opus, ce premier opus de cette jeune formation sous le titre donc Carpe d'or. On écoute ce Offshore. Dans l'Asie de Bussure, vous avez pu entendre tout d'abord le tout nouveau projet April Fishes, qui est un peu la rencontre entre les collectifs One Name for a Crew et le gros collectif, donc des gens de Nantes et les Lyonnais bien connus, notamment par les groupes Kuma et autres Polymorphie, en la personne du saxophoniste Romain Duchelet, qui rejoint les troupes de Manuel Adno, alias Sidonie Box et Sylvain Darifourc et Adrien Denefer. Sont la partie. Alors, l'album Carpe d'Or, inspiré apparemment par des ambiances aquatiques et aussi l'œuvre de l'écrivain Mo Yan, totalement inconnu en ce qui me concerne. L'album est plutôt pas mal, pas de quoi sauter au plafond, mais c'est plutôt assez agréable à entendre. Ça sort ce mois-ci sur Le Gros Lectif, le label et collectif coopérative lyonnaise. Ce qui est plutôt pas mal, c'est le mélange guitare-violoncelle et puis le batteur qui est vraiment brillantissime. Romain Dugelet fait un peu les utilités, d'ailleurs c'est pas lui du tout qui compose, mais plutôt le guitariste et le violoncelliste. C'est peut-être plutôt eux qui sont à l'origine de la musique de April Fishes, qu'on a enchaîné avec un nouvel album du batteur Dan Weiss qui s'intitule 16 Drummers Suit, sorti chez P Recording. Dan Weiss, il avait déjà sorti un disque 14 en 2014, également sur le même label, et donc il récidive avec une musique un peu dans le même registre qui mélange jazz contemporain, musique un peu indienne et rock prog, un petit côté zeul aussi sur les bords pour la musique de Dan Weiss, qui était batteur aux côtés des saxophonistes David Binet, Likonitz et autres, Runesh Manatapa. Et il a joué aussi, il a appris à jouer des tablas, donc c'est peut-être pour ça qu'il est assez inspiré par l'Inde, le monsieur. Et il a réuni un casting assez exceptionnel. Je crois qu'il y a à peu près 12 ou 15 musiciens autour de lui, notamment Tim Bern qui joue, ainsi que David Binet Binet, puis pas mal d'autres. Il y a 3 ou 4 chanteurs, différents saxophonistes, trombonistes et autres joueurs de piano, glockenspiel, vibration et guitare. Et lui donc qui fait les compositions, batterie, tabla et autres percussions vocales. Et c'est un disque qui est inspiré aussi par la musique des batteurs du jazz contemporain et qui reprend en fait pour chacun des morceaux, il s'est amusé à reprendre des solos de batterie de batteurs aussi émérites que Elvin Jones, Tony Williams, Philly Joe Jones, Kenny Clark et autres Ed Blackwell. Donc il a repris des phrases musicales de ses batteurs, notamment Tony Williams aux côtés de Miles Davis pour Nefertiti, Elvin Jones dans un live aux côtés de John Coltrane des années 60, et il a retranscrit ses solos de batterie pour composer la musique autour. Donc ça donne une aura assez fantasmatique à ce disque qui est peut-être assez insupportable au niveau des vocaux. Ça dépend un peu de vos goûts musicaux, mais c'est vrai que ça, c'est peut-être un peu le point faible de ce disque 16 Drummer's Suite de Dan Weiss, mais c'est une musique qui trotte pas mal dans la tête. Voilà, donc là, le titre qu'on entendait, c'était une pièce autour d'un solo de batterie de Max Roach, donc retranscrit par Dan Weiss. On va continuer avec la musique d'un Australien qu'on connaît surtout pour ses side projects, Chris Abrams, qui est pianiste, claviériste au sein du trio The Next, et ce depuis une bonne vingtaine d'années, aux côtés du batteur Tony Buck et du bassiste Lloyd Swanton. Et tous trois, ils produisent une musique assez répétitive, aux frontières du jazz, aux frontières des musiques contemporaines répétitives et autres expérimentations sonores. Et sous son nom, depuis aussi le milieu des années 80, puisqu'il est plutôt jeune, le Lascar, il produit aussi des choses. Parfois il est aux côtés d'autres musiciens, notamment Alessandro Bossetti, également Mike Cooper ou encore Clayton Thomas, John Rose, j'en passe et des pires. Et ces dernières années, donc, il sort des disques à intervalles réguliers sur le label de son compatriote monsieur Lawrence English, avec sa fameuse étiquette Room 40, qui récidive avec un très bon disque sous le titre Fluid to the Influence. Je propose d'écouter le titre Receiver de monsieur Chris Abrams. Thank you. Une séquence de boui-boui électronique dans l'asile le plus sûr, c'est sur l'antenne du 94 MHz qui a démarré avec le nouvel album en solo de Chris Abrahams sans ses acolytes de The Next. L'album s'intitule Fluid to the Influence, un album où il alterne des pièces un peu avec des sons assez étonnants, un peu des sons trouvés mélangés à de la guitare, mélangés parfois à des claviers désaccordés et autres percussions, une sorte de pièce donc composée, décomposée dans tous les sens, ce fluide to the influence, les pièces au piano solo étant peut-être les moins intéressantes de ce disque de Chris Abrahams. 3-4 très très belles pièces de création sonore sur ce nouvel album de l'Australien Chris Abrahams de The Next, et on a enchaîné la musique de Monsieur Abrahams avec celle de Kunlun, qui est le side project de High Wolf, de Monsieur Maxime Primo, le Rennais qui vit dans l'Arizona, Sun City. Kunlun, qui est un projet avec lequel il a enregistré assez peu, je crois qu'il y a deux trois albums, celui-ci qui vient tout juste de sortir sur le label Audiomère sous le titre Time Remaining Unknown, mais qui date, c'est des pièces qui datent de 2011 pour ce disque qui devait sortir déjà depuis pas mal de temps et qui a été retardé sans doute à cause de difficultés à le produire pour les gens de Audiomère, qui est un micro-label qui sort plutôt 3-4 disques par an gros maximum. Et High Wolf est surtout actif en ces dernières années avec son autre projet Black Zone Myths Chant, avec lequel il produit des choses, notamment aux éditions Grava. Il y a eu 3-4 disques coup sur coup à sortir depuis 2 ans, toujours très très actif High Wolf Max. Voilà donc pour Kunlun et ce Time Remaining Unknown, qui est composé en deux parties. Il y a des pièces un peu plus sur le côté basse des profondeurs sur la fin, et puis des morceaux aussi qui font furieusement penser à du Richard Pinas sur le retour au milieu de l'album, je dois dire. Voilà pour le Time Remaining Unknown, sorti chez Audiomère de Kunlun. On va continuer avec une séquence de jazz free, mais alors là c'est du free très très très très, très free. Il s'agit d'un nouvel album de Linda Sharrock, ou plus exactement de The Linda Sharrock Network, qui vient tout juste de paraître sur l'étiquette parisienne Improvising Beings, qui sort pas mal de choses, à peu près un disque par mois dans le jazz contemporain mi-parisien, mi-franco-américain. Celui-ci donc est constitué de deux CD et deux orchestres menés par Linda Sharrock, un orchestre plutôt parisien dans lequel on retrouve l'accordéoniste Claude Parl, le bassiste Yoran Rossidio, le batteur Makoto Sato, le trompettiste Itaru Oki. Il y a aussi Mario Rectern au saxophone et autres, et puis un pianiste vraiment brillantissime, Eric Zinman. Et puis sur le deuxième CD, c'est une session qui a été enregistrée en Angleterre à Sheffield, à peu près à la même période, c'est-à-dire au mois de mai de l'année 2015. Et à noter que Linda Sharrock, qu'on connaît surtout pour quantité de projets depuis les années 60, la fin des années 60, notamment d'abord aux côtés de son guitariste de Marie, le guitariste free Sonny Sharrock, puis après en compagnie de plein de musiciens, notamment je pense au Wolfgang Puschnigg et autres musiciens suisses. Elle a joué à peu près avec près tout ce qui bouge sur la planète, notamment les Coréens de Salmul Nori et Linda Sharrock. Bah, je me disais en préparant l'émission d'ailleurs que je vous ferai bien une émission spéciale l'été prochain autour de cette grande chanteuse qui a malheureusement subi un AVC assez dramatique ces dernières années et qui s'est retrouvée complètement aphasique depuis. Et elle commence à remonter la pente ces derniers mois, depuis à peu près un ou deux ans, et notamment grâce à ses sessions improvisées de jazz free en compagnie de ses camarades de musiciens. Il y avait déjà eu un premier disque l'an dernier sur la même étiquette Improvising Being sous le titre No Is No, Don't Fuck Around With Your Women, qui était un double CD à peu près avec les mêmes. Ils viennent de récidiver avec ce The Begin to Speak, et je propose d'écouter un extrait de la première pièce de ce projet parisien en compagnie de Linda Sharrock, extrait de ce disque sur l'étiquette Improvising Beings. On écoute Linda Sharrock. Thank you. Et voilà, ça continue comme ça pendant une bonne dizaine de minutes et aussi sur l'intégralité du CD1. Et le CD2 est à peu près du même acabit, ce Linda Sharrock Network They Begin to Speak, avec deux orchestres pour accompagner la grande Linda Sharrock, qui a une actualité assez riche. Également un triple vinyle qui vient aussi de sortir ces dernières semaines sur étiquette anglaise Golden Lab Records sous le titre Linda Sharrock in the Abyssity of the Grounds, et le disque, le triple album Gods, avec des nouvelles compositions de la diva Dufree qui vociférait déjà aux côtés de Sonny Sharrock sur les disques Black Woman et Monkey Pookie Boo à la fin des années 60, et qui a été très active aussi dans les années 70. Il y a eu quantité de disques vraiment fantastiques de cette grande prêtresse du free jazz. Voilà, l'émission touche quasiment à sa fin. Il est temps de se quitter. Je vous rappelle qu'elle est intégralement podcastable avec les playlists et puis pas mal de commentaires et des vidéos à regarder à partir du blog asile35.blogspot.fr. Et on va se quitter, c'est justice, avec Tony Conrad en compagnie de Faust, extrait du fameux Outside the Dream Syndicate, sorti en 1973 chez Virgin, qui vient tout juste d'être réédité d'ailleurs par l'étiquette Superior Viaduct en vinyle. Il y a une actualité assez riche sur la musique minimale en réédition, puisque le label Aguirre Records réédite le catalogue Chandar et les disques notamment de Lamont & Young, et donc le label de Los Angeles Superior, non je crois que c'est San Francisco plutôt, Superior Viaduct réédite ce fameux disque du compositeur minimaliste et violoniste Tony Conrad en compagnie du groupe Kraut bien connu Faust. Alors je crois que c'est leur propre producteur ou Nettelbeck qui avait fait le lien, c'est ce que m'avait dit Jean-Hervé Perron, le producteur de Faust, qui les avait mis en relation avec Tony Conrad, qui connaissait plutôt par toutes les ramifications Velvet Underground et ce genre de choses. Et donc ils avaient enregistré en Allemagne dans les fameux studios préparés pour Faust avec leur ingénieur son Kurt Kropner, Werner Zappi-Diermeier à la batterie très minimale et Rudolf Sosna à la guitare et clavier. On va écouter un extrait de la face B de cette excellente galette vinylique qui vient tout juste d'être rééditée, le Outside the Dream Syndicate. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à la semaine prochaine.

Sit down here. Now listen, what do you mean you did it in your mind? Well, see, I tried to go out the wrench and do what you said to do, not think about Elmer Barnes, but the more I tried not to think about him, the more I thought about him. I was doing all these terrible things to him when I was thinking about him, and I wasn't even acting like a Christian gospel Bill. I feel terrible, just terrible. Now listen. You are a Christian, Nicodemus. Those thoughts are not your thoughts, and this is exactly what I'm talking about. You see, the thoughts we think that are evil, that are bad, they don't come from our hearts. Those thoughts come from the devil. When you become a Christian, Nicodemus, God gives you a different kind of heart. He gives you a kind of heart that wants to love people. And down in your heart, I know you're a Christian, and I know that you want to love old Elmer. And so those old bad thoughts you've been getting aren't yours. Those are from the devil. You didn't do anything wrong. Well, how do I keep from thinking about those things, though? All right, the Bible says we've got to cast down imaginations. That means we take hold of that thought and rebuke it in the name of Jesus, and we don't let it stay. Now listen, you can't keep a bad thought from coming to your mind, because as long as you're in this world, the devil's going to try to slip one in every now and then. ha ha ha.